Bienvenue sur ce nouveau podcast, le podcast Cap de Vivre. Ce podcast est né d'une réflexion de me dire que la connaissance de certains cheminements pouvait avoir le pouvoir de changer notre propre vie. Dans Cap de Vivre, on va partir ensemble à la rencontre de personnes qui ont des parcours de vie atypiques, voire inspirants, et qui vont venir nous raconter comment est-ce qu'ils ont vécu ces différentes étapes de leur vie. Au travers de discussions, de rencontres, on découvrira ensemble comment ces hommes et ces femmes ont, à leur manière ou à leur échelle, essayé de changer un peu le monde, ou au moins leur monde. Le premier épisode sort demain matin. J'espère que le contenu vous plaira et vous inspirera. Et je vous souhaite à tous une très bonne écoute.